عندك محمد la traduction de Dalika, comment on dit, ce sera quoi alors? Comment on a fini ce Mishara? Comment on traduira? Dalika, voici. Celui-ci ou cela, ce Taïb? Pas de mot. Kadalika, on dira c'est ainsi. Taïb, ça je vous le donne si vous voulez. Ala Dalika, de cette manière. Les Dalika, c'est pourquoi? Taïb? Non. Dalika le Roulam, on dira alors ce garçon-là. Oui, si vous voulez. On avait lu le texte, hein? La leçon 14, hein? Kadalika et l'idalika. Voilà, c'est pourquoi. C'est difficile de les effacer? Ça prend du temps? Bismillah, comme on a lu la leçon 14, on fait directement on rentre dans l'exercice. Hein. Okay. Bismillah, tamarin, ajib an il as'ila al-atiya. Là, je vous pose des questions, comme ça vous entraînez un petit peu. Hein? Vas-y, Mohamed. Men antum. Ana Mohamed. Men antum. Par exemple, là. Nahnu Tulab. Très bien, Inch'Allah. Aina baytukum. Baytuna. Baytuna. Donne un endroit. Donnez un endroit, c'est mieux. Baytuna fil mazra'a. Baytuna. Karib. طيب في المزرعه سي بيان بيتنا في المزرعه زعما انتو ديسك جي دي بيتنا في المزرعه بارك الله فيك من ربكم رب الله نعم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما لغتكم لغتنا العربيه ان شاء الله الله يبارك فيك أين مدرسكم؟ لا مدرستكم. مدرستنا هنا. طيب. أنتم مسلمون؟ نعم. أنا نعم. طيب. بارك الله فيك. نعم نحن. أفي بيتكم حديقة؟ لا ما في حديقة. ما في. طيب. لا ما عندنا حديقة. طيب. أعندكم سيارة؟ لا. ما عندي سيارة. عندكم ما عندنا سيارة. طيب أين مدرسكم؟ هو في درس. نعم. أنتم مدرسون؟ لا أنا طلاب. نحن طلاب. أنا طلاب. نعم. اقرأ واكتب. طيب. Vas-y Ayman. Lisez, suivez tout ça. Comme ça là, vous voyez si vous mettez bien les tashkils. نحن مسلمون. الله ربنا والإسلام ديننا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا. خير يا ما شاء الله. عندك؟ Tout le monde a compris ça, inshallah. Saber. Qu'est-ce que vous avez pas compris? نحن مسلمون. Nous sommes musulmans. الله ربنا. Allah Rabbuna, c'est notre Dieu. L'islam dinuna, l'islam c'est notre religion. Wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète, Rasuluna. Wa al-Qur'an al-Karim kitabuna. Al-Qur'an c'est notre livre, et c'est le dernier des livres. Taïb. Wa al-Ka'ba tu qiblatuna. Al-Ka'ba, c'est ce qu'il y a à Mecca. C'est-à-dire tous les musulmans doivent se diriger vers là-bas. Taïb. Wa al-Arabiya tu lughatuna. Al-Arabiya c'est notre langue. Taïb. Et ça, dites-vous, ça peut être un charh. Si quelqu'un il veut expliquer ça. Taïb. Andek. À voix haute. Non. Pas kharaja, là. Kharaja. Kharaja. Pas l'an. Al-ana. Barakallahu fik. Très bien. Aïna mudarrisukum, ya ikhwan. خرج الآن من الفصل وذهب إلى المدير. في أي شارع بيتكم؟ نعم، في أي شارع بيتكم؟ تخبيا بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة. نعم، المحكمة سيدير كوا؟ le tribunal. Hein, في أي شارع بيتكم؟ سيدير لا يدموند dans quelle rue est ta maison. بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة. طيب، c'est dans la rue qui est devant le tribunal, محكمة. طيب، et ça, inshallah, on étudiera, il y aura un dors très intéressant par rapport à ça. Hakama, mahkama, comme les lieux, c'est-à-dire, taïb, ismakan, ismizaman, il akhi. Au suivant. Abouna sadiqou ammakum. Ammikum. Naam, abouna sadiqou ammikum. Au suivant. A antum mudarrisoun, nahnu. Regarde bien. La nahnu atibba'u. طيب أنتم مدرسون لا نحن أطباء. S'il y a des mots qui sont pas compris vous me direz ça verra. طيب عبد الكريم تفضل. أنتم أبناء المدير. Regarde bien. أنتم أبناء المدير. C'est bon ça. C'est les enfants de qui ça عبد الكريم. C'est les enfants de. المديري. المديري. Très bien. طيب. لا نحن حفادة. C'est-à-dire quoi? Les petits-fils. Voilà. C'est-à-dire là, le directeur, il serait quoi ici? Grand-père. Oui. Suivant. Madrasatuna kabiratun, madrasatukum saghiratun. Répète, tout doucement, parce que tu prononces madrasa de... Vas-y. مدرستنا مدرسة لا مدرستنا مدرستنا كبيرة ومدرستكم صغيرة. deuxième était mieux. مدرستنا كبيرة ومدرستكم صغيرة. بارك الله فيك. وسيبا. لنا حديقة. لنا حديقة. أنا حديقة. جميلة. جميلة. في تلك القرية. في تلك القرية. نعم. لنا حديقة جميلة في تلك القرية. وسيبون. أخونا طالب في كلية الطب. نعم. من هذه سأقول لك ما كلية الطب. نعم. وسيبون. كم؟ j'ai pas compris ça. لنا حديقة جميلة. on l'a vu ça لنا. j'ai. c'est comme si لي أخون. J'ai un frère. Mais là, non. Et là, comme c'est un pluriel, nous avons. Barakallahu fik. Daoud, si tu peux. Atibaou. Pas Atiba. Toi, tu prononces ça le ta comme un ta. Mon Atiba. Barakallahu fik. Regarde bien. أنتم أطباء بعضنا أطباء وبعضنا مهندسون. T'as compris? Il y a un fer contre tin. Par exemple, tu vas dire tin, c'est l'argile. Et le tin, c'est quoi? C'est la figue. Par exemple, demain, tu vas vers un frère qui fait les travaux, tu dis un ori tin. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? De la figue. Alors que toi, tu demandais quoi? De la terre, de l'argile. T'as vu, Inch'Allah? Il n'y a pas de mal. Allah ybarak fik. طيب الله ربنا وربكم. نعم الله ربنا وربكم. الحمد لله. السؤال. أين ذهبتم يا إخوان يا إخواني؟ tu l'as pas fait ce dors là le ya. pourquoi tu dis يا إخواني ici؟ يا إخوان. hein؟ ce qui te permet de mettre une kasra c'est soit le harf al-jar, soit le mudaf ilayh ou soit le dharf. Ou plus tard, tu verras, le voie de coordination, c'est l'atf. S'il n'y a pas, vous laissez déjà le mot à l'état pur. Après, si c'est un, on a dit quoi? Un nom, un prénom composé, il y aura une phrase, ya Abdallah. Et ça, on ne l'a pas vu encore. Hein. On ne l'a pas, hein? Ça, on le verra dans le dos. Comment? On m'appelle Abu Huraira, on dit Voilà, je vous en avais parlé pour vous faire comprendre. Comme je sais qu'ici on utilise beaucoup la kunya, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. Mais sinon, le dors en lui-même, on ne l'a pas vu encore. On a juste vu quoi ? Al-Nakir al-Maqsoud et al-Alam al-Mufrad. Il y a Zaydou, il y a Rajoulou, il y a Waladou. Moi, je vous avais parlé de Yaba Abdullah, Yaba Horela. Comme ici, certains frères, on les appelle par leur kunya. Pour pas que tu dises Ya Abu, al-Khata. Taïb. أين ذهبتم يا إخوان ذهبنا إلى السوق c'est compris inshallah et là alhamdulillah comme je dis inshallah samedi bidnillah on fera la dictée taïb on fera cet effort là et profiter de certaines phrases ici comment on fera de la leçon la première révisée jusqu'à la dixième taïb inshallah même si ça prend un peu de temps inshallah mais c'est bien pour vous profiter taïb. Et peut-être même des phrases comme ça. Fais chéri baytukum. Taïb. Il est akhir. Grand 3. Adif l'asma l'atia ila dhamair kama wa mouaddah fil mithal. Adif. Ma'ana adif ya Mahdi. Adif. Adif. Joindre une chose. Pour ça on dit mudaf, mudaf ilay. Tu as joint le premier mudaf. Taïb. الأسماء الأتية لمو سوفان إلى ضمائر ما معنى ضمائر يا عبد الكريم ضمائر سي البلوريل دو ضمير خنو طيب طيب هنا بيتون بيتون ici les معرفة ونكرة يا محمد نكرة سي كما تسوي كي تنكرة التنوين بي مجرد سادير بوجود التنوين نكرة بيتكم Ce sera ma'arifa ou nakira, ya saber. Ma'arifa. Comment vous avez su là ? Il n'y a pas de dama. C'est pas une question, il n'y a pas de dama. De temps en temps, il y aura des mots, il n'y aura pas de dama. Ça ne veut pas dire que c'est. Là, quand je vous dis baytukum, ou si par exemple je vous dis hada baytuka, c'est n'importe quelle maison ou c'est la maison de quelqu'un là ? C'est la vôtre. Hada baytuka. Voilà, c'est devenu quoi ? Mudaf, mudaf ilay. Souvenez-vous, je vous ai dit quoi ? Il y avait un mudaf qui pouvait être avec un is, zahir. Comme bayt, zayd. Baytou, hada baytou zaydin. Taïb, wa hada baytouka. Ou hada baytouhu. Hein ? C'est compris ça, Inch'Allah ? C'est-à-dire là, ce qu'on va voir là, ce sera des mots qui seront mudaf à des quoi ? À des damaïr, à des pronoms. Et automatiquement, le mot, il est quoi ? Il est ma'arifa. T'as compris ça, Abdallah ? Tu l'as vu ça un petit peu ? Voilà. C'est-à-dire le mudaf il peut être un nom. Tu peux dire Hada Beitou Ayman. T'as bien compris ? La maison de Ayman. Et on va parler de lui, on dira quoi ? Hada Beitou. On parle du frère, alors on dira Hada Beitou. Tu me dis l'Iman Hada Beit, t'as Hada Beitou. Et moi et toi on parlait d'Ayman. Si je parle directement à toi, je dirais quoi ? C'est-à-dire Hada Beitouka. Si je parle à vous, Hada Beitoukou. Vous avez compris ? C'est compris ça ? Hada baytuna. Wa hada bayti. Tout ça c'est quoi ? Du mudaf, mudaf ilay, ila dhamair. Tout le monde a compris ? Et on avait dit quoi une règle également ? La kasra n'apparaît pas, pourquoi ? Parce qu'il est mabni. C'était quoi ? Ça veut dire que c'était invariable. Taïb, inshallah ? Taïb, bismillah les frères. Alors, baytun, baytukum, baytuna. Taïb, baytukum c'est quoi ? Alaykum salam. Baytukum, c'est un groupe de frères masculins. Quand je dis un groupe de frères, automatiquement c'est masculin, qui est face à vous. Baytukum. Baytuna, c'est nous. C'est-à-dire, moi j'y suis compris. Vous voyez la différence ? Le premier, il est pluriel au masculin. Le deuxième, ça peut être quoi ? Pluriel masculin ou pluriel féminin. Taïb, Inch'Allah ? Alors si je vous dis Hada Baytukum, ça vous concerne vous. Mais si je dis Hada Baytuna, ça nous concerne nous tous. Et comment on sait que c'est masculin ou féminin, Abdelkarim ? Quand j'ai dit Hada Baytuna ? Comment ? Baytuna ? Ouais. Comment ça, c'est masculin ? C'est-à-dire, si comment c'est si c'est un groupe de frères qui est concerné ou c'est un groupe de filles qui est concerné là ? C'est pas le Hada. Ah non, c'est pas le Hada. Là, on parle du Damir là. Quand je te dis Hada Baytukum, le Koum ici, on sait que c'est quoi ? C'est un groupe de frères qui est face à nous. Et comment on va savoir la Hada Baytuna que c'est un groupe de frères qui parle ou c'est un groupe de sœurs ? Parce que... Vous avez compris ma question? Sinon, je me serais. Je dis un truc comme ça. Non, il n'y a pas de mal. Parce que si c'est faux, tu ne le dirais plus. Si c'est bon, bah, c'est bien. Parce que pour, ces, pour des filles, ce sera à mon avis comme le roux ou le hein. Oui, ce sera un autre. Un groupe de sœurs, elle va dire ça, c'est notre maison. Elle va dire quoi? Je sais pas. Un des cas, écoute le frère. Hada Beytouna. Il y a un groupe de frères? Beytouna. C'est-à-dire, comment on va savoir que c'est un groupe de frères ou un groupe de sœurs? C'est ça. Voilà. Par rapport à la personne qui parlera. Au fond, si c'est moi qui parle, là, je lui dis quoi? Hada Beytouna. On sait que c'est quoi? Un groupe de frères, car c'est moi qui parle. Au fond? Hakana. Ça, c'est la première des Karina. Taïb? Mais si après on verra, Inch'Allah, qu'il y a une même règle. Masculin l'emporte sur le féminin. Taïb? Par exemple, moi, je suis avec mes sœurs. Il n'y a pas de mal que je dis Hada Beytouna. Et elles sont considérées là-dedans. Mais là, je vous ai juste pour que vous compreniez que ici, le na, c'est-à-dire, il concerne le pluriel masculin, également le pluriel féminin. Vous avez compris? Mais on verra plus tard également que le masculin l'emporte sur le féminin. Vous avez compris ça? Par exemple, on dira, Inch'Allah, Zayd wa Omar wa Aminatu kharajou min al-bayt. Vous avez compris ça? Salam, afwan. C'est compris ça, Wahbi? Abdallah? Tout le monde a bien compris? Vous savez, vous avez compris ça? Bah, je vous laisse faire maintenant. Alors. Vas-y, Abdelkarim, Amoun. Je sais pas, Oumoun. Vas-y, fais Oumoun. Oumoun, Oumoukoum, Oumouna. Voilà, c'est tout. À toi. Amoun, Amoukoum, Amouna. Très bien. Amoun, Amoukoum, Amouna. Sadiqoun. Sadiqoun, Sadiqatoun. Là, Sadiqoukoum. Sadiqouna, très bien. Loratoun. Là, il y a un mot avant. Madrasatoun. Madrasatoun. Madrasatoukoum. Madrasatouna. Et là, c'est... Comment? Après, c'est Ocht. Après, c'est un autre mot. Ocht. Andek, Daoud. Non, Ochtoun, Ochtoukoum, Ochtouna, au suivant. Louratoun, Louratoukoum, Louratouna. Très bien, machallah. Dinoun, Dinouk. À voix haute, les frères, comme ça, tout le monde profite et c'est bien. Dinoun, Dinoukoum, Dinouna. Non, Dinoukoum, Dinouna. Au suivant. Aboun, Aboukoum, Abouna. Non. Akhoun, Akhoukoum, Akhouna. Non, Akhoukoum, wa Akhouna. Inch'Allah, tout le monde a compris, hein. Et les dash des damaïr, c'est important ça, les dash des pronoms. Comme ça, maintenant, tu sauras comment les employer. T'as vu? Allez-y. Dinoukoum et dinouna. Voilà. T'as vu? T'as grand 4, Iqra. Ayu yomin hada. Hada yom sept. T'as vu? Le dash ici, ça parle de quoi? De ayu. Hein, ici, c'est qu'il est considéré comme quoi? Ismi sifham. Et sachez que cette particule-là, Barakallahu fikoum, elle est le plus souvent utilisée quoi? En tant que modaf. C'est-à-dire le mot qui viendra après sera modafiné. Ça, c'est le plus souvent. Inch'Allah, dans le 3, on verra qui peut être Mef'ul bi. Et ça, vous laissez ça. Sinon, dans le 3 également, on le verra. Et sinon, Ayou, il est le plus souvent utilisé en tant que modaf et il a besoin d'un modafiné. Comme tu le vois ici. Ayou yawmin hada. Aïe shahrin had, aïe kuliyatin had. Taïb. Et écrivent également, il est mu'arab. Bil harakat et thalat. C'est-à-dire quoi? Il est déclinable. Il peut être avec une dhamma, il peut être avec une fatha, il peut avoir une kasra. Hein? Il n'est pas toujours obligé d'être avec une dhamma. Taïb. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Hein? Ayou, on a dit quoi? C'est l'istifham, c'est-à-dire que tu demandes une chose. Vous vous renseignez sur une chose. Et il est le plus souvent quoi? Suivi d'un modafilé. Taïb? Il reste une chose également, on a dit quoi? Qu'il était mu'arab avec les trois harakat. C'est-à-dire qu'il peut avoir une dhamma, une fatha et une kasra. Taïb? Non, t'fadal. C'est quoi la définition en français? Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est l'interrogation. Par exemple, si je dis Ayu Yaumin Hada, Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Okay. Si je vous dis par exemple Kitab Ayin Taqara, là il aura une place de Mef'ul B. Mais Inch'Allah, je vous dis dans le 3, Bidnillah, on en parlera également. Mais ça, c'est la chose la plus importante qui nous concerne ici. Si tu veux l'utiliser ou tu le vois ici de cette manière-là, ici c'est quoi? Tu dis, c'est comme un ism istifham mu'arab avec les trois harakat. Et elle est le plus souvent, j'ai bien dit le plus souvent, suivi d'un mudaf ilayh. طيب جوليا اي يوم هذا هذا يوم السبت طيب اي شهر هذا هذا شهر رجب t'as bien vu que là tu demandes après un jour et là tu demandes après le mois اي كلية هذه طيب et là quelle faculté au niveau de la faculté tu demandes هذه كلية تجارة في اي مدرسة انت regardez bien ici là il a pris une kasra في اي t'as pas dit fi ayu, c'est pour ça qu'on dit il était mu'arab. Ana fi fil madrasati al mutawassitati fi ayi baladin anta ya anti ya ukht ana min al yunan. Yunan c'est la Grèce. طيب tout le monde a compris ça inchallah. Mohamed bien décalé. Saber, vous avez compris, ça va? Qu'est-ce qui... Shah, c'est le mois. Shah, naam, c'est le mois. Mais par rapport à... Ah, comme ça, là. L'exercice en lui-même. Hein? C'est bon. Daoud? Wahabi? Bien, c'est clair ou... Bien? Abdallah, et toi? Taïb, Inch'Allah. Iqra waktoub. Taïb. Ici, la lecture, ce sera quoi? On verra dans, à la fin du... C'est des noms de Mamnu' min al-Sarf. Ah, je vous laisse lire. Bismillah, Abdelkarim. William. William, Eduardo. Au suivant. London. C'est Londres, London. Au suivant. Paris. Paris, comme il n'y a pas de P dans la langue arabe, il est remplacé par le Ba. Au suivant. Pakistan, nous. Non. Istanbul. Istanbul. Non, Istanbul. Ibrahim. Ismaïl. Non. Ishaq. Non. Yaqub. Ayoub. Ayoub. Non. Suleiman. Non, Suleiman. Daoud. Younous, Idriss, Idriss, Jibril, Jibrail, Mikaïl, Mikaïl, Pharaon, Pharaon. Et ça, on verra, Inch'Allah, quelle est la cause, pourquoi il n'y a pas de Tanwin. Inch'Allah, c'est pour ça que je vous ai réservé toute cette leçon-là. Le Mamnu' min al-Sarf, ce sera à la fin du livre. C'est-à-dire, même si une personne la voudra après avec les casseurs. Si elle l'écoute dès la, c'est-à-dire en début du livre, il n'y a pas de mal. Mais je préfère le faire en fin de livre. Parce que là, c'était que des petits morceaux. Ça aurait été embêtant. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tanouin. Le Mamnu' min al-Sarf, c'est-à-dire quoi? Il ne prend pas de tanouin, il ne prend pas de kasra. Il n'en prendra une que s'il y aura une condition d'enlever. Vous voyez? Par exemple, masjidoun, le pluriel c'est masajid. On dira quoi? Nadartu ila masajida. Alors que normalement on disait quoi? Ila masajidi. C'est moi qui fais l'erreur là, exprès. T'as mais sinon, s'il n'y a pas alif wa lam, tu dis quoi? Nadartu ila masajida. Mais si je vais faire apparaître alif wa lam, je ferai quoi? Je fais rentrer alif. Si je vais faire apparaître la kasra, je dirai quoi? Nadartu ila masajidi. Vous avez bien compris? Hakad. Nadartu ila ahmada. Alors que normalement, si c'était Mohamed, j'aurais dit quoi? Nadartu ila Muhammadin. Et ça, on le verra pourquoi c'est Mamnu' min al-Sarf. Et la majorité des noms ici, c'est les noms des prophètes qui ne sont pas arabes. Taïb. Naam. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est pas normal. Majoul ou après? Qui? Après Aïd. Il est majoul. Et là, il est quoi? Non, c'est ça que je voulais dire. Il est toujours majoul après. J'ai dit le plus souvent. Le frère, il a demandé, après Ayou, est-ce qu'il est toujours Majrour? Je vous ai dit quoi? le plus souvent, il sera quoi? Mondaf, il a besoin d'un mondaf filé. Tu vois? Ah ouais, c'est Yomine, quoi, il sera comme ça plus souvent. Pas plus ou moins. Shahrin, Kuliyatin. Ah ouais, voilà, ouais. Je crois que c'était Ayou, tu parlais en fait tout à l'heure. J'ai pas capté. Mais moi, je parle d'Ayou. Non, moi, je parle de Yomine. Après. Ce qui est après. Tu te concentres sur un morceau, tu laisses le rage. J'ai dit quoi sur Ayou? Dis-moi tout ce que j'ai dit sur Ayou. C'est pour se rendre, c'est pour demander une chose. Voilà, ouais. Stephen sur une chose. Vas-y, et après. Tu m'as dit qu'il peut être plus souvent. Le plus souvent, il utilisait quoi? En tant que mondaf, il a besoin d'un mondaf filé. C'est ça, j'ai dit le plus souvent. Pas le plus souvent, il est avec une dama. Ah ouais. Si t'as écrit ça, c'est faux ça. Non, c'est pas ça en fait. Mais m'a dit, t'écris pas. Non, c'est pas ça. Non, ce que je dis, c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à Yomin. C'est-à-dire, ce qui précède après, il est majrôle toujours. Pas ce qui précède, ce qui suit après. Ouais, ce qui suit, voilà. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais vu, c'est pour ça. Tu as vu ça? C'est. Ma femme, elle avait étudié comme non, ça. Non, j'ai pas dit ça. Le plus souvent, il est utilisé en tant que mondaf. C'est-à-dire, si ta famille, elle a appris ça, c'est faux ça. Tu vois, ah ouais. Si la personne, elle lui a enseigné qu'il est toujours mondaf filé le mot d'après, là. T'as compris? Ça, c'est faux ça. Ayyama tad'ou, tad'ou falaoul asma al-husna. Ici, c'est quoi Ayyam? Mef'albi. Aïa, kitab in taqra akra. Ici c'est quoi? Mef'ulbi. T'as compris? C'est le plus souvent, il est utilisé en tant que quoi? En tant que idafa. T'as compris? J'ai pas dit quoi? Il est toujours mudaf. Là. Barakallahu fik. Et Ayou, j'ai dit quoi? Il prend les trois harakat. Il peut être avec une dama, marfou, il peut être quoi? Mansoub, il peut être majrour. T'as compris? Bien ou... Alhamdulillah, j'ai compris, mais c'est bon. C'est quoi? Je viens de parler encore d'Yomine. Non, parce que... Non, c'est bon. T'as pas compris, alors? J'ai compris, mais Yomine... Ouais, pourquoi il est majrour, Yomine? Parce qu'il est modaf, Nafilay. Voilà. Et toi, ta question, c'était quoi? Moi, c'est que... Est-ce que ce sera toujours avec une majrour? Et je t'ai dit, non? C'est ça que je voulais savoir. C'est ça, depuis tout à l'heure, je t'ai dit. Mais toi, tu te concentres avec Yomine depuis tout à l'heure. C'est pour ça, Mehdi, tu devrais enregistrer. Non, c'est pas ça, parce que... Parce que regarde, là, on répète, alors que ça, tout à l'heure, j'ai dit à tout le monde, est-ce que vous avez compris? Alors que si tu enregistres, en rentrant, tu remets, tu dis, tiens, le frère, il n'a pas dit ça. Non, parce que si je t'ai demandé ça, c'est parce que ma femme, elle a vu ça, c'est pour ça. Et tu me dis que c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pour ça que je te demande, c'est moi. Moi, je t'ai dit quoi? Que Ayou, le plus souvent, il est suivi d'un mot d'affilé, Taïb. Ouais. Et je t'ai dit que Ayou, il peut être marfoua, mansoub et majrour. T'as bien compris? C'est ça la règle. T'as bien compris? Et toi, regarde bien ce qu'elle a dit la famille. Ouais, je vais regarder. Et le mieux, c'est d'éviter qu'on parle des sœurs dans l'ars. Allah ymarik fikoum. Taïb. Taïb. Iqra al-mithal, thumma hawwal al-jumal al-atiya mithlahu. Anta dhahabta ila al-madrasati. Antum dhahabtum ila al-madrasati. Taïb, là on voit quoi également? Un nouveau damir. Si tu parles à un frère qui est face à toi, tu diras Anta dahabta. Et ce qu'on avait, et si c'était une sœur, on aurait dit quoi? Anti dahabti. Taïb. Et si c'est le pluriel d'un frère, on dirait quoi? Antum dahabtum. C'est compris ça, Inch'Allah? Ah, c'est-à-dire que le verbe, on a vu quoi? Le verbe, sa première forme, c'est dahaba. Taïb. Après là, si je parle à un frère, je dirais quoi? Anta dahabta. Taïb. Et si c'est un frère, un groupe de frères, antum dahabtum. C'est bien compris ça, Inch'Allah? Taïb. Ça veut dire ici, le ta ici, il est quoi ici? Il est sujet ou c'est un signe de féminité, ya Abdallah? Il est sujet, fa'al. Mais quand je dis dahabat, c'était quoi, Mahdi? Dahabat, ouais. C'est féminin. Qu'est-ce qui est féminin? Dahabat, elle est partie. Il où fais-moi l'analyse grammaticale. Ah, dahabat, le ta-ta-ta-ta-nit. Ta-ta-nit, ouais. C'est-à-dire ici, il n'est pas sujet. C'est dahabat aminatu. Quand je dis dahabat aminatu, aïn al-fa'al aminatu. Ouais. Non, je crois que c'est le ta-ta-nit, je crois. Le fa'ala, le frère dit, je crois que c'est ta-ta-nit. Attends, non, c'est sous-entendu. Non. Non? Dahabat, c'est pour ça, Mahdi, s'il te plaît, dès demain, Inch'Allah, enregistre. Taïb, Inch'Allah. Parce que tout ça, je te promets, ça a été dit. Je crois que même le frère, quand il va écouter la cassette, là, il va craquer. Il va dire, frère, Allah. J'ai tellement de répéter. Taïb, andak, ya Mohamed. Dahabat, aminatou. Écoute. Aminatou, c'est le faril. Aminatou, c'est le faal. T'as entendu? Et le tatani, c'est quoi? Tatanit, c'est un signe de... De féminité. Ça veut dire quoi? Ça demande un sujet féminin. T'as compris ça? Mais si j'aurais dit Aminatou Dahabat, là, t'as raison. Le tatanit, c'est quoi? C'est le signe de féminité et le sujet, il est où? C'est Hiya. Qui revient. Voilà, t'as compris là? Et là, quand j'ai dit maintenant Anta Dahabta. Dahabta, il est où le verbe ici? Elle fait elle. C'est tout? Il s'arrête où le verbe ici? Dans Dahabta. La dernière lettre du verbe, c'est où? Non, Mahdi. La dernière lettre du verbe. C'est quoi le verbe en lui-même? C'est Dahaba. Dahaba? Tu prononces quoi comme lettre là quand tu dis Dahaba? Tu sens un ta dans Dahaba? Alors c'est quoi la dernière lettre du verbe? Ba. Ba. Regarde, dis-le le ba ici. Il y a quoi comme harakat? C'est cool. Le verbe il s'arrête là. T'as compris? Et le sujet c'est le ta. T'as compris ça, Inch'Allah? Quand le verbe, tout le monde a compris? Dahabta. Le verbe il s'arrête au ba avec une sukoun. Et le ta c'est lui le sujet qu'elle fait. Pour ça, comprenez bien ça dès maintenant. Alors que dans Dahabat. Dahabat, c'est quoi? La dernière lettre du verbe, c'est ba. Et le tatani, c'est juste un signe de féminité. Il n'est pas sujet. Comment? Qui demande un sujet féminin. C'est compris ça, Abdallah? Bien, Mahdi. Inch'Allah, enregistre. Taïb, Allah ybarik fik. Taïb. T'as compris ça, Abdelkarim? Bien. T'as compris la différence entre Dahabta, Dahabtoum et Dahabat? T'as bien compris ça, Inch'Allah. Taïb, quand je dis Dahabat, il y a le sujet là, dans Dahabat? Non. Quand je dis Dahabta, il y a le sujet? Dahabta, ouais. Il est où le sujet, c'est quoi? Ta. T'as bien compris ça? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Dahabta et Dahabtoum. Non, il y a quelque chose. C'est compris ça, Saber? C'est bon. Compris, Mohamed? Alors, quelle est la différence, la soukoun et la fatra? Non, bien sûr. La soukoun, ça demande... Non, c'est pas une question de soukoun. J'ai peur que vous pensiez que le... Par rapport, comme le ta, ça ressemble au tatanit, vous allez dire quoi? Que dahaba, c'est le verbe, et le ta, on pourrait dire sujet. Non. Le tatanit, même s'il n'est pas du verbe, il est que signe de féminité. Me fom? Voilà. Et on avait ramené une faïda de plus. Le tatani, ça nous permet de savoir quoi également? Que c'est un verbe quoi? Futur, mardi ou amr? Ouais, dans dahabat. Passé. Voilà. C'est un des signes qui nous permet de savoir que dahabat, fi'l ou mardi. Aïe, naqrana, inshallah, l'ana. A voix haute, vas-y, tfaddal. Anta. خرجت من الفصل. من الفصل. Très bien. Vas-y. Après tu nous mets au pluriel. أنتم. أنتم خرجتم من الفصل. السلام عليكم. من الفصل. أنتم خرجتم من الفصل. Au suivant. أنت جلست في الفصل. Très bien. أنتم جلستم في الفصل. Très bien. أنت جلست في الفصل. أنتم جلستم في الفصل. À vous. لا أين ذهبت يا أخي؟ Dahabta. Vous parlez à un frère. Aina Dahabta ya akhi. Naam. Aina Dahabtu. Patun. Tum. Tum. Patun. Aina Dahabtu. Tum. Dahabtum. Aina Dahabtum. Ya ikhwatun. Ya ikhwani. Ya ikhwani. Naam. Aina Dahabta ya akhi. Aina Dahabtum ya ikhwani. Au suivant. لماذا خرجت من الفصل يا ولد؟ لماذا خرجتم من الفصل يا أولاد؟ Très bien. Inch'Allah, tout le monde a compris, hein? Bien, Mahdi, là? Qu'est-ce que ça va? Pourquoi ça va? C'est bien. Taïb? Informe-nous qu'une sœur, elle est partie. Dahabat. Dahabat. Et dis à Wahbi que tu es parti. Anta Dahabta. Et à tous vos frères, tu diras? Antum Dahabtum. Voilà. Ici, c'est un frère. Dahabta. Non, un frère, tu nous informes qu'il est parti, tu diras. Dahabou. Non, attends. On attend, vas-y. Dahabou. Zaydoun. Frère, Dahabou. Attends, Zaydoun. Dahab. Qu'il est parti? Ouais. Dahabou. Non. Tu fais pas apparaître. Il y a Dahab. C'est quoi le verbe à l'état pur? C'est quoi? Dahaba. Dahaba. On a dit que dans la langue arabe, il n'y a pas l'infinitif. Non, ça. Comme en français, il est pas le verbe partir. On dit quoi directement à la troisième personne de l'infini? Ça veut dire quoi? Dahaba. qui houa. T'as compris ça? Et si c'était une sœur, dahabat. Alors on a étudié dahaba en parlant de qui? D'un frère non présent. Dahabat en parlant de qui? D'une sœur non présente. Taïb, inshallah, si on parle à un frère, on dira quoi? Anta, dahabta. Si on parle à un groupe de frères qui est face à nous, antum, dahabtu. Taïb, inshallah, et on en a parlé un petit peu, si c'est une sœur qui est face à nous, on dira anti, dahabti. Tout le monde a compris ça, inshallah? Voilà, barakallahu fikoum. Al-kalimatul jadidatu, al-hafid, ibnu al-ibn, ou ibnu al-bunt. Ça veut dire quoi? Le petit-fils. Taïb? C'est-à-dire, il vous a mis l'explication à côté. Ibn, Ibnu el-Ibn, le fils du fils. Taïb, ou Ibnu el-Bint. Vous avez compris ça? Par exemple, Al-Hassan ou Al-Hussein, c'était quoi? Ibn el-Bint, les petits-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ça? Wa jam' hafadatun. Al-Kulliya jam' kulliyat. Le mot en lui-même, c'est-à-dire faculté. Taïb, Kulliyatu Sharia, on avait dit quoi? Religieuse, science religieuse, taïb. Kulliyatu tijara, faculté de quoi? De commerce. Al-akh jam' ikhwatun wa ikhwan. Ah, on avait dit quoi? Que certains mots en langue arabe, ils avaient plusieurs pluriels. Taïb, et ça pouvait aller au moins un minimum à 6 pluriels, certains. Taïb. Ahlan wa sahlan wa marhaban. C'est une manière d'accueillir les gens, hein? Soit il est bienvenu en quelque sorte. Nasraniyun jam' nasara, chrétien. Kulliyatu tib, faculté de médecine. Kulliyatu al-handasa, faculté de quoi? D'ingénieur. Al-mahkama, c'est le tribunal. Al-yunan, c'est la Grèce. Al-balad, jam' bilad, pays. Taïb? Non. Ah, je veux que tu fais ça. Il a huna, inshallah. Demain, on fera la leçon 15. Elle est très simple. Hein. Si vous lisez, on peut la faire en 20 minutes. Bismillah. Barakallahu fikoum. Jazakallahu khairan.